16-29, observation, connaître et savoir, présent de l'indicatif. Récapitulation. Je connais, tu connais, il connaît. Nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. Je sais, tu sais, il sait. Nous savons, vous savez, ils savent.